Dans le cul, si tu crois que tu nous épates, moi et mes potes, y a personne qui nous éclate. Non. On arrive calibré dans ta cité. Ouais. Y a des fusils d'assaut à grande capacité. La véracité, la rapacité, parrain de la cité. Tout attisé, ça n'a jamais marché. Petit fils de pute, on doit faire une mise au point. Ouais. Je suis un bonhomme, moi je suis pas comme ces gogoles. Ils disent que c'est des fous, c'était des victimes à l'école. On a grandi dans la rue, t'inquiète, on sait ce que c'est les codes. Y'en a plusieurs, des méthodes. Moi je dis pas que j'ai la meilleure, mais quand je nique tes mères, après tu t'étonnes. Fraté, j'ai frappé, traqué, braqué fort. Tellement pleuré pour la levée du corps. J'ai fait 8 ans de prison, toujours gardé mort. Du 9-4, on me respecte jusqu'au quartier nord. Hamster, au terre, renverse mes potes au port. Aucun tort, très solide dans les contacts. J'suis un tigre, viens pas trop traîner dans mes pattes. Et puis tu sais, nous on aime pas trop les corps à corps. Le dossier en tête de pile, mon nom sur vos rapports. Ça paye en blanc comme ma voiture parfaite. Le raccord, c'est 50k le feed, faut nous payer d'abord. Un calibre dans la bouche, sans qu'on va tomber d'accord. Oh gros, t'es malade, le masque faut tu le portes. Tu mets la coke sur la cuillère, toute la merde qui s'évapore. Pour t'éclater ta mère, pourquoi faire tant d'efforts? Pour tirer tu demandes rendez-vous à n'importe quelle porte. J'arrive directement, il fils de ouais. Pris pour que tes pronostics puissent être vrais. Ils ont le train de vie et de grandes conquêtes. Ces menteurs le sont des vulgaires pickpockets. Je le sais qu'ils parlent, qu'ils caricaturent. Sur les traits de mon âme, ils laissent des ratures. Est vrai que je parle, c'est perdu dans la nature. Faut que je fasse un accident de ma voiture. Je connais ton fournisseur, on va pas parler 10 heures. Petit, tu crois que je parle de toi, mais t'es même pas dans mon viseur. La vérité est crue, vous ne méritez plus une once de respect ou une place dans mes pensées. C'est vrai que je suis têtu, c'est vrai que je suis rancunier. Je suis pas surhumain, tu casses tes couilles, je vais t'en tuer. Et tout ce qui reste, c'est du mauvais. Si tu savais, toutes les embrouilles, ça n'est que pour délover. Ils me dégoûtent, mais quelque part, je sais qu'on me redoute. Quand ils m'écoutent, ils ont le seum, j'ai aucun doute. J'ai pris ma route, de tout ça, j'en ai rien à foutre. Perdu le bout, crois-moi, j'ai la plus fraîche de toutes.